Lettre 22e. Le cimetière du Père Lachaise. Réflexion morale. Manière différente d'exprimer la douleur en France et en Angleterre. Le tombeau d'Abélard et Héloïse. Autre tombeau. Quoique j'ai déjà bien souvent visité le cimetière du Père Lachaise, c'est avec un sentiment nouveau de curiosité et d'intérêt que j'y accompagnais hier ceux de ma société qui ne l'avaient pas encore vu. J'éprouvais une satisfaction mélancolique à errer de nouveau dans ces allées de cyprès, qui aujourd'hui répandent une ombre si fraîche, et j'ai ressenti encore cette espèce d'émotion incertaine que j'éprouve toutes les fois que j'y vais. Tantôt prêt à sourire de la manière bizarre dont l'affection s'y manifeste, tantôt touché jusqu'aux larmes par quelques marques de tendresse qui se fait sentir même au sein du vaste amas d'enfantillage dont ce lieu abonde. Il est certain que ce jardin de douleur offre un spectacle très grave et très frappant. Quelle masse de mortalité on embrasse d'un seul coup d'œil. Elle ne laisse pas que de faire réfléchir un peu, même quand on sort de l'oisiveté affairée de Paris. De ce Paris, l'opposé de toute pensée sérieuse, le paradis spécialement consacré aux adorateurs de l'insouciance. Une profusion de fleurs printanières orne en ce moment tous les enclos soignés. La beauté, la fraîcheur, le parfum sont sur la surface de la terre. Quel terrible contraste avec ce qu'elle recouvre. Je ne crois pas avoir jamais vu de lieu, soit une église, soit un cimetière, où la dignité inégale des monuments élevés au-dessus de la poussière qui les couvre tous si également se montre de manière à frapper aussi fortement le cœur qu'au Père Lachaise. Ici, une pelletée de gazon a de la peine à verdir. Là, s'élève un vaste mausolée ombrageant son modeste voisin. D'un côté de l'étroit sentier, la douleur est enveloppée et cachée au regard par cette même pauvreté qui la rend plus amère, pendant que de l'autre côté, la richesse, le rang, l'orgueil accumulent des ornements sur l'indigne argile dont ils cherchent vainement à déguiser la nullité. C'est un abrégé du monde qu'ils ont quitté. Enlevez le marbre, retournez le gazon, et vous verrez que la nature humaine offre le même aspect sous l'un comme sous l'autre. Nous vîmes plusieurs groupes de personnes en grand deuil se promenant parmi les tombes. Il n'y en avait tant que, quand nous nous détournions d'un de ces groupes avec le respect que l'on est toujours disposé à ressentir pour la douleur, nous étions sûrs d'en rencontrer un autre. Cet usage de se lamenter en public nous paraît si étrange. Comment une timide mère anglaise qui pleure intérieurement et cache ses chagrins au fond de son cœur pourrait-elle supporter de marchander à la grille publique une jolie guirlande, d'entrer ensuite dans le cimetière au milieu d'une foule indifférente, l'ornement suspendu à son doigt, et devant les yeux de tous ceux à qui il prendra fantaisie de la regarder, d'aller attacher la guirlande au tombeau de son enfant? Elle aurait infailliblement perdu l'esprit avant ou après un pareil acte. S'il n'était point chez elle l'effet de la démence, il en deviendrait la cause. Et pourtant, tel est l'effet de l'habitude, ou plutôt telle est la différence dans le ton des mœurs et de l'esprit, qu'ici l'on verra journellement des parents tendrement attachés à leurs enfants pendant leur vie, et dont le cœur s'est réellement brisé par leur perte, se livrer, baigné de larmes, à ces lamentations publiques. Il est en effet impossible, malgré toute la grandeur du contraste entre ses manières et les nôtres, de contempler toutes ces fleurs si fraîches, ces guirlandes, et tant d'aimables témoignages des soins les plus tendres qui frappent les regards dans cette vaste map-monde de la nullité mortelle, sans être convaincu qu'un amour sincère et une douleur véritable se sont épanchés de cette façon. Un petit enclos attira mon attention comme le plus bizarre et le plus touchant de tous. Il renfermait la petite tombe de gazon d'un jeune enfant. Des fleurs choisies croissaient alentour et au fond s'élevait une petite construction en demi-cercle, renfermant, avec un crucifix et autres emblèmes religieux, plusieurs jouets d'enfants qui, sans doute, avaient contribué au dernier plaisir du trésor perdu. L'inscription apprenait qu'il était mort à l'âge de 3 ans, et qu'il était le premier et seul fruit d'une union de 12 années. Au-dessous de cette épitaphe étaient écrits ces mots « Passant, priez pour sa malheureuse mère ». Ne pourrait-on pas appliquer aux Français ces vers du poète? La pensée, l'affliction, la passion, la mort elle-même, tout devient pour eux une faveur, tout s'orne sous leurs doigts. Mais je crois qu'il serait à la fois plus juste et plus généreux, au lieu d'accuser la nation entière d'être la victime de l'affectation plutôt que de la douleur, dans toutes les peines que la mort peut causer, il serait, dis-je, plus juste de croire qu'elle sent aussi vivement que nous, quoiqu'elle ait certainement une manière fort différente de l'exprimer. J'aurais bien souhaité que ceux, quels qu'ils soient, qui ont la haute direction de cette partie, eussent laissé le curieux tombeau d'Héloïse et d'Abélard tranquillement à la place où il était. Sa forme et ses ornements gothiques ne sont nullement en rapport avec les objets qui l'entourent. La mesquine tablette de plâtre qui est attachée, plutôt pour faire connaître l'histoire du monument que celle des personnes qu'il renferme, est du plus détestable goût, et ma seule espérance est que les éléments achèveront l'ouvrage qu'ils ont commencé et que ce barbare enlaidissement tombera en poussière avant que nos petits-fils sachent qu'il a existé. Les arbres, les arbustes se sont tellement multipliés et se sont élevés avec tant de rapidité qu'en beaucoup d'endroits il est difficile de se frayer un passage, et les tombes sont extrêmement nombreuses sur toute l'étendue du terrain. Quelques arpents viennent d'y être ajoutés depuis peu, mais leur surface aride, dépouillée et sans ornement, ne permet pas encore à l'œil de reconnaître qu'ils font partie de ce jardin. Une seule tombe, pâle et solitaire, y est placée, précisément à la limite de la sombre allée de cyprès qui borne l'ancien enclos. Elle ressemble à un fantôme couvert d'un linceul, errant à l'heure où la nuit se confond avec le matin. Un fort beau monument a été construit depuis la dernière fois que j'ai visité ce jardin. Il a été élevé à la mémoire d'une noble dame russe dont j'oublie le nom, que du reste je n'aurais jamais pu prononcer. Il est en marbre blanc, et ses proportions sont magnifiques, vastes et élégantes, et en même temps massives et d'une extrême simplicité. À mon avis, c'est le monument funèbre du goût le plus parfait que j'ai jamais vu. On n'y voit ni effigie, ni statue, et à peine un ornement. Mais il semble avoir été construit dans le but de joindre l'apparence de la majesté à celle de la durée. Ce superbe mausolée est placé à peu près au point le plus élevé du jardin, sur lequel il domine, et il forme un point de vue très frappant dans quelque endroit qu'on se trouve. Parmi le grand nombre de noms qu'on ne peut s'empêcher de lire en passant, quoiqu'il n'offre qu'un bien faible intérêt à l'esprit, j'ai remarqué celui du baron de Münchhausen. Il était inscrit sur une pierre d'une fort modeste apparence, mais suivi d'une foule de titres brillants, d'où j'appris que ce baron, que j'avais toujours regardé jusqu'à présent comme un personnage imaginaire, était en réalité un homme fort important dans je ne sais plus quelle cour. Je ne devine pas pourquoi on a fait chez nous un si singulier usage de son noble nom. Dans le cours de notre promenade, nous lûmes cette étrange épitaphe. Si J. Caroline, je crois que le nom était Caroline, fille de Mademoiselle Mars. N'est-il pas étonnant que 8 lieues de mer puissent occasionner une si grande différence dans les mœurs et les usages des deux peuples? Il n'y a pas beaucoup de statues dans ce cimetière, et pas une seule dont le mérite soit assez grand pour ajouter à son embellissement. J'en ai pourtant remarqué une qui a été placée récemment et qui domine tous les objets qui l'environnent. Elle caractérise bien l'époque où elle a été érigée et le caractère du peuple auquel elle a l'air de s'adresser. C'est une figure colossale de Manuel. La physionomie est commune et l'expression des traits pleine de violence et d'exagération. Il est impossible d'y méconnaître l'image d'un tribun factieux et plein d'audace.